avait l'air un peu cubain. Elle avait l'accent de Malines. Il l'avait rencontrée au bain. Elle pointait dans la même usine. Il fit l'air dit le lendemain. Loin du turbin et des turbines, le parfait amour clandestin, sans le mariage et la frime. Concubin et concubine, amour, amour illégitime. Concubine et concubin, amour, amour et gros pépin. Ils mirent leur vie en commun, sans bail, sans contrat, sans combine. Il conservait son air cubain, elle gardait l'accent d'origine. Elle brodait des poufs, des coussins, il grattait de la mandoline. Ça faisait jaser les voisins, mais ça valait mieux que l'usine. Concubin et concubine, amour, amour illégitime. Concubine et concubin, amour, amour et gros pépin. Dans le village, un beau matin, on découvrit un affreux crime. L'épicier cuvait dans son vin un pruneau dans chaque narine. Il se trouva quelques témoins qui affirmèrent tous unanimes qu'un couple à tête d'assassin la veille reluquait sa vitrine. Concubin et concubine, amour, amour illégitime. Concubine et concubin, amour, amour et gros pépin. Les flics usèrent de gros moyens, il fallut bien qu'on se résigne. On ne trouva pas d'assassin, mais on fit deux autres victimes. Car quand on n'a pas l'air du coin et qu'on vit la vie qu'on estime, on sert de cible aux voisins. Les voisins, c'est le pire des régimes. Concubin et concubine,